GP fixé sur le Mikey. Kuta. GP fixé sur le Mikey. Kuta. GP fixé sur le Mikey. Kuta. Push him up the volume, DJ, please. Just one more time. Just one more time. GP fixé sur le mic. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Tout le monde est motivé pour aller danser. Mais avant on va au bar et on se boit un Ricard. Faites tourner les topés. Allez, on va jouer les pompiers. Allez, n'ayez pas peur. Visio, c'est mon dealer. Moi, je vais juste danser. Venez pas m'embêter. Car on est entre amis et on veut pas de soucis. Ce soir, je suis bien sapé. Les regards sont sur moi. Mais oubliez pas que je suis maqué. Alors, je les calcule pas. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Body. Everybody. Move your body. Danse sur le dance floor. Danse au corps à corps. Danse, danse, danse près de mon corps. Et danse jusqu'à l'aurore. Ce soir c'est la partie. En direct de Paris. Avec GB Fixie. Ce soir tout est permis. Les mecs sur le podium. Allez faites les bonhommes. Les meufs en décolleté. Allez faites nous vibrer. Il faut enlever le haut. Enlever notre libido. Je veux ressentir le son. Je me rapproche du caisson. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body. Everybody. Move your body.